répondre à ces questions-là, on ira aux autres questions ensuite. À quoi reconnaît-on un véritable maître? Qu'est-ce que c'est un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui, premièrement, marche avec un bâton, une barbe, il n'y a pas de moustache. Ah! Il y a une barbe, mais pas de moustache. Lucien? C'est, qu'est-ce qu'un maître? Une différente sorte de maître. Il y a les maîtres que l'on recherche, les maîtres que l'on trouve, les maîtres que l'on veut, les maîtres qu'on ne veut pas. Dans une partie de l'évolution de la conscience astrale de l'humain, l'humain cherche des maîtres. Et dans une autre partie, l'humain fuit les maîtres. L'humain a peur de rencontrer des maîtres. Ah! Terrible! Autant il souffre autant de rencontrer un maître que l'ancien souffre de ne pas en rencontrer. Il y a les maîtres que l'on désire, il y a les maîtres que l'on rencontre, parce que bien souvent, quand tu rencontres ce qu'on peut appeler un maître, ce n'est à peu près jamais comme tu l'avais prévu. Un maître, ce n'est jamais une personne qui aime les disciples. Sinon, c'est les disciples qui sont les maîtres du bonhomme ou de la bonne femme qui est en avant, mais ce n'est pas un vrai maître. Alors, les individus, souvent, ceux qui recherchent les maîtres, attendent de rencontrer quelqu'un qui peut guérir. Oh, bien souvent, il se guérit lui-même, effectivement, si c'est un véritable maître. Ils s'attendent à rencontrer quelqu'un qui est doux, qui est pacifique, qui n'est pas violent, quelqu'un qui a évidemment beaucoup de personnes qui le suivent. Sinon, quand même, si tu sois un maître, personne ne le suit. C'est comme de dire que la qualité d'un maître dépend du public, mais si le public a besoin d'un maître, déjà, cela veut dire que le public est inférieur au maître. Donc, on ne peut vraiment pas se fier sur le public pour savoir si une personne est un maître ou non. Et... Qu'est-ce que ça fait, un maître? Ça maîtrise, oui. Ça maîtrise qui ou quoi? Comment se fait-il que les gens se regroupent autour d'une personne qu'on considère un maître? Parce que les gens se considèrent comme des imbéciles. Est-ce que le maître les considère comme des imbéciles? Bien souvent, le maître les considère aussi comme des imbéciles. Le maître ne peut pas considérer un être humain au-delà de la capacité qu'a l'être humain de se considérer lui-même. Quand un maître dit à un être humain, « Tu es capable », l'être humain il dit, « Ah oui, c'est facile à dire ». Alors, lui, le maître, si c'est un vrai maître, il dit, tu n'es pas encore capable, mais ça va venir. Alors, l'humain, il dit, ça me va. Ça se correct. Et le maître, il dit, essaye. Il dit, pas réussi, parce que l'humain réussit. Ça ne veut rien dire pour lui. Donc, le maître a intérêt à conserver ses brebis? Non. Non? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un maître? Il y a différentes formes de maîtres. Il y a les maîtres qui sont maîtrisés et il y a les maîtres qui maîtrisent. Les maîtres qui sont maîtrisés, c'est ceux qui deviennent des maîtres publics, ceux qui ont des missions. Une mission, c'est une fonction émotivisée dans la conscience. Une mission, c'est lorsque spirituellement, l'humain, l'astral de l'humain, l'ego de l'homme ou de la femme qui devient le maître, considère que qu'il a un rôle à jouer et que ce rôle a une importance. Ça, c'est une mission. C'est de la haute spiritualité, mais c'est loin de la réalité. Une fonction, c'est une obligation mécanique d'accomplir une chose parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. Alors, lorsqu'on émotivise une fonction, on en fait une mission. Les maîtres qui sont missionnés, ce sont les maîtres qui sont gouvernés, ce sont des maîtres qui sont maîtrisés, ce sont des maîtres qui sont les esclaves de la conscience, ce sont des maîtres qui sont les esclaves de l'évolution. Ils sont maîtrisés par l'évolution et la conscience? Ils sont maîtrisés par l'évolution et la conscience, c'est-à-dire qu'ils ont développé des créneaux de l'évolution, mais ils ont un peu trop d'ego, et cette partie de l'ego finit par souffrir de l'évolution de l'humain, souffrir de l'incapacité qu'a l'homme de s'en sortir, souffrir de la faiblesse ou de la médiocrité que vit l'ego de l'homme, et cette souffrance va émotiviser leur évolution à ses maîtres, et ils vont finir par s'attacher, se colorer, s'attacher, s'assujettir à l'évolution des masses. Autrement dit, les maîtres qui sont missionnés, les maîtres qui se font maîtriser, sont les maîtres qui ne sont pas capables de résister à l'envie qu'a leur égo de souffrir lorsque l'égo découvre la différence qui existe entre eux et le peuple. C'est-à-dire que lorsque le maître se dit « Oui, mais moi je comprends, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que les autres ne comprennent pas », et ça le fait souffrir. Alors là, il veut aider autrui, il veut que tout le monde comprenne ce que lui comprend, alors que c'est une question de point de vue. Il veut que tout le monde monte ou sur le plateau où il est monté alors qu'il n'y a de la place que pour un. Et ce personnage finit par décider que, décider c'est mécanique, c'est manipulation, il finit par décider qu'il n'évolue plus, qu'il attend que la masse évolue avec lui. Alors il reste avec la masse et la masse va quand même l'énergiser, c'est-à-dire que les fidèles, les disciples, vont nourrir énergétiquement le personnage. Et celui-ci aura maintenant une évolution qui ne sera plus réelle, mais il aura une énergisation de l'ego qu'on appelle souvent évolution spirituelle. Il aura donc maintenant une évolution spirituelle où il pourra considérer lentement qu'il a besoin de ses fidèles, qu'il a besoin des disciples, qu'un maître sans disciple n'est pas un maître, et puis finalement, il se fait récupérer. Mais est-ce que toutes les formes d'hommes ou de femmes publiques, de personnages publics, ne sont pas des maîtres? Je prends l'exemple d'un premier ministre d'un pays, d'une région. Il y a ses disciples qui sont ses électeurs, il y a lui qui se prend pour un maître parce qu'il maîtrise. Ce sont des tours Eiffel, ces personnages. Ce sont simplement des phénomènes intéressants à voir quand tu visites en touriste. Les premiers ministres, les présidents, les rois, ils ne sont pas des maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'incidence réelle dans l'évolution de l'astral, dans l'évolution de l'ego des individus. Le pape est un maître. Pour être un maître, il faut que ça soit au niveau émotif. Pour être un maître, il faut que si tu communiques quelque chose dans l'émotivité, que les fidèles l'acceptent. Alors, si un président dit « Nous devons vivre en paix », ça n'a pas tellement de portée. Si le pape dit « Nous devons vivre en paix », alors là, c'est l'euphorie totale. Et les artistes très populaires, très connus, sont pas aussi une forme beaucoup de sont devenus des maîtres, mais beaucoup, beaucoup. Pas énormément, mais quand même trop. Il y en a. Oui. Il y en a eu qui sont devenus des maîtres. Certains Beatles sont devenus des maîtres. Et puis, il y en a eu quelques rares autres qui sont devenus des maîtres. Maintenant encore, il faut faire attention entre l'idole, qui est simplement une forme d'idolâtrie de ce que l'individu égoïquement veut projeter, mais ça n'a rien à voir encore avec l'évolution à caractère moral, à caractère social, spirituel ou carrément au niveau de l'intelligence supramentale. Ce ne sont pas des maîtres, ce sont des idoles. Et il y a eu quelques individus qui sont devenus des maîtres, et on regarde les Beatles, lorsqu'ils ont amené la drogue, eh bien, c'était en vue d'évolution spirituelle, de voyage astral, c'est un trip. Et énormément d'individus ont décidé de complètement changer de forme pour arriver là. Ceux qui ont été manipulés à lancer le mouvement hippie, finalement, c'est un peu la même chose. Ils sont devenus des maîtres parce qu'il y avait l'évolution de la spiritualité à travers la démarche sociale. Alors, si on prend Rajneesh, c'est un maître. Si on prend Mahesh, je vous rappelle Mahesh Yogi, c'est intéressant, ça veut dire, mais Maharashi, c'est un maître. Si on prend... On pourra en nommer un paquet, celui qui a écrit le Bhagavad Gita, c'est un maître. Je ne parle pas de Krishna, je parle de Brahmapupamba, etc. C'est un maître. Bon, alors ceux qui ont une incidence sur le caractère social, spirituel des individus deviennent des maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de dire à l'individu ce que l'individu doit aimer, ce que l'individu doit détester, ce que l'individu doit craindre, ce que l'individu doit accepter. Ce sont des maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent totalement l'ego des autres, donc ils dirigent totalement la vie spirituelle des individus. C'est un maître dans le sens recherché par les astrales, par les égaux, permis par les dieux. Mais c'est évident qu'un président va aussi dire que, bon, on cesse de fumer ou la cigarette devient ceci ou devient cela. Quoique la majorité de ceux-là ne sont pas des vrais maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils demandent au peuple leur opinion, tandis que le maître ne demande pas à ses disciples leur opinion. Il peut quand même donner l'exemple et aussi avoir des idoles dans ses électeurs. Il aura des idoles, mais ce n'est pas un maître, pas dans le sens où on veut le rechercher. Est-ce que c'est parce que c'est du côté plus intellectuel que l'électeur, par exemple, va référer au président ou au premier ministre, et que l'autre, celui qui est un adepte d'une religion, va lui... C'est que les deux hémisphères cérébraux de l'homme engendrent chez lui une dualité de vision. On a un hémisphère qui est beaucoup plus cartésien, donc intellectuel, et un hémisphère qui est beaucoup plus émotif et intuitif. Les deux hémisphères ne sont jamais parvenus à s'entendre. Pourquoi? Parce que dans l'évolution matérielle de l'humain, on en développe seulement un. L'isométrie cérébrale n'est pas enseignée à l'école, c'est une grande tare. Et lorsque l'adulte apparaît ou lorsque l'adolescent apparaît, il a une partie de son cerveau qui est beaucoup plus évoluée du point de vue cartésien. Là, par exemple, si on est droitier, on a notre côté gauche surtout, alors on peut écrire de la main droite, on a de la difficulté à écrire de la main gauche, et on a effectivement un côté beaucoup plus puissant que l'autre. Et au niveau des réflexions, c'est ce qui va se passer, on a un côté beaucoup plus cartésien habituellement, et sauf l'artiste qui peut avoir un côté plus intuitif, et on a souvent une dispute entre les deux hémisphères, où ça se parle dans notre tête, puis ça veut, puis ça veut pas, etc. Les deux côtés n'arrivant pas à s'entendre. Pourquoi? Parce que la liaison entre les deux côtés se fait par une région cérébrale qu'on appelle le corps calleux, entre autres, et c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement évolué. Ça ne permet pas des relations télépathiques entre les deux hémisphères. Et l'humain, dans sa constitution propre biologique, évidemment, c'est transmis au niveau de l'âme, n'arrivant pas à se faire confiance, lorsqu'il décide qu'il a faim, à moins qu'il ait développé énormément son côté intuitif, il va laisser faire Dieu, il va aller travailler, ou il va aller les cultiver, ou encore il va aller voler. Lorsqu'il décide d'évoluer, il ne veut pas faire confiance au côté cérébral qui, lui, fonctionne avec la matière. De ce fait, il va plutôt fonctionner vers le côté intuitif, le côté émotif, le côté endocrinien, le côté des perceptions. Et extrapoler au niveau de sa vie, bien, nécessairement, il ne pourra pas faire confiance à un maître riche, il ne pourra pas faire confiance à un président qui dirige la matière. Il va plutôt aller voir un prêtre qui, supposément, ne s'occupe pas de la matière. S'il est riche par accident, et il va aller voir... bon, alors si c'est une question d'évolution, d'intuition ou d'émotivité, il va se diriger vers les individus qui prétendent ne fonctionner que par cela. S'il veut fonctionner au niveau de la matière, il va moins faire confiance au côté intuitif, et là, il va se diriger vers le côté cartésien. C'est ce qui a fait que, bien souvent, l'être humain, lorsqu'il était totalement écœuré des formes d'évolution spirituelle parce qu'il crevait de faim, il avait froid, il avait des gros problèmes, il retournait vers la matière. Et après s'être galvaudé dans les origines et dans la matière, à un moment donné, il finissait par se rendre compte qu'il n'avait pas satisfaction dans ce qu'il recherchait. Alors, il abandonnait la matière pour retourner vers l'évolution qu'il appelle spirituelle. Alors, l'évolution, ce n'est ni spirituel ni matériel. Et là, il retourne vers l'abandon de la matière. Il est prêt à tout donner. Et après 5-10 ans, ben là, il retourne encore vers la matière parce que là, les maîtres, il y en a marre, et puis les dieux, il y en a marre, puis les systèmes d'évolution, puis les livres sacrés, etc. Là, c'est fini. Et puis, à un moment donné, il se promène comme ça d'un côté à l'autre sans jamais comprendre que l'évolution se fait dans une globalité, que celui qui évolue spirituellement a une richesse, et il ne connaît pas le point de vue de celui qui évolue matériellement, qui lui aussi a une richesse. Alors, les deux ne connaissant pas le point de vue de l'autre, finalement, celui qui est riche, il regarde le spirituel pauvre, et puis il dit « c'est un imbécile ». Le spirituel, qui lui est totalement heureux et qui n'a pas de stress, il regarde le matériel riche, et puis il dit « c'est un imbécile ». Les deux sont des imbéciles. Les deux ont raison. Les deux ont tort. Donc, ils ont raison. Mais d'un point de vue, les deux ont raison. Ah oui, c'est ça. Les deux ont tort. Le vrai maître, c'est un individu qui, c'est sûr que si on compare, si on veut visualiser un maître parfait, qui n'existe pas sur cette planète, mais qui va exister, c'est un être humain qui nécessairement ne travaille pas, c'est un être humain qui ne mange pas, c'est un être humain qui ne dort pas, c'est un être humain qui n'a pas besoin d'amis, donc qui n'a pas d'amis, c'est un être humain qui n'aime pas, donc il n'est jamais assujetti à l'individu ou encore aux humains qui l'entourent. C'est un être humain qui nécessairement est totalement stérile, étant donné qu'il est immortel, il n'a pas besoin de se reproduire pour pouvoir se réincarner. C'est un être humain totalement désassujetti du monde de la mort, donc qui nécessairement ne vit pas d'expérience émotive ou sécrétative, ce qui fait qu'il est totalement perçu par l'animal humain comme étant un être quasiment robotisé ou extrêmement froid. C'est un être humain donc qui ne connaît pas les émotions, qui ne connaît pas l'amour, qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas la haine, qui ne connaît pas la vengeance, qui ne connaît rien de cela. C'est un être humain qui ne souffre absolument pas. Il est dans la visualisation de la majorité des égaux, c'est un mâle. Alors ça peut être un mâle ou une femelle, ça peut être un enfant, parce qu'il y a trois sexes sur le plan planétaire, ça peut donc être un enfant. Et c'est un être qui ne voyage pas en automobile, qui ne prend pas l'avion, qui peut être à plusieurs places en même temps. C'est un être qui a la capacité de diriger les corps vitaux, donc qui peut opérer des guérisons. C'est un être qui a la capacité de diriger les corps vitaux, donc qui peut opérer des maladies. Est-ce qu'il... Parce qu'on ne pense jamais à ça, un maître peut se rendre malade. Est-ce qu'il a seulement la capacité ou il va le faire? Ah, il le fait. Il le fait ou il va le faire? Il le fait un peu et il va le faire beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que ça donne un maître comme ça à un être humain comme nous autres? Qu'est-ce que ça donne d'en avoir un chez soi? Oui, dans le salon. C'est pénible, un maître. Imaginez une belle-mère. Ça, c'est une maîtresse. Imaginez des milliers de belles-mères. Un maître, c'est... Oh, des belles-mères qui sont intéressantes, évidemment. Il y en a une belle-mère que tu aimes bien, c'est que tu ne vois jamais. Oui. Mais un maître dans son salon, c'est extrêmement abominable, c'est extrêmement terrible. Pourquoi? Parce qu'on parle évidemment d'un maître. Qu'est-ce que c'est? On va juste définir ce que c'est qu'un maître avant pour qu'on comprenne encore l'idée. Un maître, c'est quelqu'un qui se fout royalement de tous les autres. Voilà, ça c'est un maître. Ça, c'est un maître. C'est un sans-cœur, il faut faire attention. Dans si on terme, considère dans encore, terme, oui, dans le terme animal humain, si on considère encore que l'émotion est reliée à l'organe cardiaque, on dit que c'est un sans-cœur, mais il y a un cœur. Il y a des batteries. Oui, il y a un cœur, pas des batteries, il y a un cœur. Mais effectivement, il n'y a pas d'émotion. Quand je dis que c'est un être qui se fout totalement de l'humain, ce n'est pas un être qui écrase l'humain comme les animaux humains qui aiment tant Dieu écrase les fourmis. Non, c'est pas ça que je veux dire. Quand je dis qu'un maître se fout de tout le monde, c'est que le maître ne s'intéresse qu'à lui. C'est de l'égoïsme pur dirigé par de l'intelligence et non pas dirigé par une peur astrale de perdre ce que l'ego croit posséder. Est-ce qu'il ne s'intéresse qu'à lui par dégoût pour les autres? Non, il n'a aucun dégoût, il ne peut pas avoir de dégoût, il ne s'intéresse qu'à lui parce que, entre vous et moi, si vous seriez un maître, il y aurait juste vous d'intéressant dans l'univers. Il n'y a pas d'autre maître? Il y en a juste un dans l'univers ou il y en aura juste un? Oui, mais qu'est-ce que tu as à foutre d'être intéressé du maître d'à côté alors que tous les deux, ils n'avaient foutrement rien à vous dire? Ben, peut-être que ce serait intéressant, justement, deux maîtres. Peut-être, oui, à cause que l'humain pose ça. Mais un maître ne se pose pas de questions. Alors, nécessairement, deux maîtres ensemble, ben, ça se pose pas plus de questions. Ils sont assis chacun sur leur chaise et puis ils attendent que leur temps arrive. Ben, moi, un maître comme ça me fait plus penser à un zombie ou quelqu'un qui est en train de... qui n'est pas vivant. C'est un corps physique assis sur une chaise. Oui, c'est ça qu'il y a, mais du point de vue de l'humain, il faut faire attention. Quelqu'un qui n'est pas vivant, tu voudrais dire, ben là, ça me fait penser à quelqu'un qui n'est pas mort. Bon, il n'est pas mort, mais c'est un corps physique, il y a un corps qui bat, mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie. Il y a plein de vie. Celui qui a de l'émotion est mort. Mais il n'exprime pas sa vie. Oui, c'est que lui, il mange une pomme, puis il la digère. Ceux qui vivent mangent une pomme, puis la gardent, puis la régurgitent, puis la remangent encore. C'est de l'émotion, ils revivent des événements du passé. Et là, on dit, ah, il est vivant, lui. Non, il est mort, lui. Il est mort. Le maître est totalement vivant. Le maître, qui arrive à côté de lui, tu te donnes une claque en plein visage, puis immédiatement, il ne se rappelle plus. Ça, c'est un maître. Ça, c'est un signe d'intelligence, ça, de manger une tape sur la gueule, puis rien. Ne plus t'en rappeler, oui. Ouais, mais j'aimerais mieux m'en rappeler, puis frapper l'autre, qu'arrête de me toucher. Exact. Sauf que si tu ne t'en rappelles pas, il ne t'a jamais touché. C'est beaucoup plus rapide. Ouais, à force de te toucher, par contre, ça peut finir par enfler quand même. Non. Si tu t'en rappelles pas. C'est que tu ne connais pas le maître. La grosse problématique, c'est que la majorité des humains, ce qu'ils font lorsqu'ils se demandent s'ils évoluent, lorsqu'ils se demandent s'ils vont devenir un maître, lorsqu'ils se demandent s'ils rencontrent, s'ils connaissent un maître, c'est qu'ils prennent de l'animal humain, ils prennent de ce qu'ils connaissent déjà, et ils essaient d'améliorer ça. Le maître, ce n'est pas un être humain amélioré. Ce n'est pas un humain. Si ce n'est pas un humain, nécessairement, ça ne veut pas dire que personne ici ne peut devenir un maître. Ça veut dire qu'un jour, chanceux que vous êtes, vous ne serez plus humain. L'humain veut être divin tout en restant humain. Bon, le crapaud, il va être recouvert d'or, il est placé sur l'autel du temple, tout en pouvant continuer ce vautour dans la boue, mais c'est la même chose. Le maître, ce n'est pas un être humain. Donc, toi, tu vas dire, oui, mais si je me fais taper et je ne m'en rappelle jamais, ça va finir par enfler. De toute façon, si tu ne t'en rappelles jamais, ça change quoi? Qu'est-ce qui a meurtri ton visage au point de prendre un visage d'enfant pour en faire un visage adulte? Tu ne t'en rappelles pas, donc tu chiales pas. Par contre, si tu peux t'en rappeler, tu souffres régulièrement. En plus, quand c'est fini, c'est passé, tu continues à souffrir. Le maître pose une question qui est intéressante. C'est que si, à un moment donné, tu reçois une flèche empoisonnée, quelle va être ta première préoccupation? Chercher le maudit qui te l'a tiré? L'enlever. Bon, puis t'arranger pour rester en vie. Le maître considère la vie comme cela. Le maître ne considère pas que c'est important de savoir qui t'a donné une claque en plein visage, puis d'aller taper dedans pour l'empêcher de continuer. Le maître, ce qu'il fait, c'est qu'il observe où rentre le poison. Quand tu reçois une claque en plein visage, ça peut être à cause d'un accident d'automobile, une tempête de neige, ou simplement une vraie claque humaine en plein visage humain. Il y a un poison qui pénètre l'homme. Quand je te touche et que je t'acharne, je mets du poison chez toi. Par contre, l'animal humain, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il préfère chercher qui a lancé la flèche empoisonnée pour être capable de se venger avant de mourir. Il ne va pas oublier. Ah non, un instant, s'il oublie, il ne pourra même pas se venger. Il va s'en rappeler, faites-en pas. Oui, mais par défense, sans vengeance. Non, c'est même pas une défense. Par défense, il faut toujours bien que tu arrêtes le mouvement. Si justement, tu reçois une flèche empoisonnée puis tu l'oublies, si tu en reçois 15-20, tu vas finir par mourir. C'est mieux de l'arrêter. Non. Que tu en connaisses la provenance puis que tu bloques ça. Le poison est extrêmement rapide. Le poison, c'est quelque chose qui égoïse l'humain. C'est quelque chose qui fait en sorte que l'humain finit par s'attacher tellement au passé que l'humain ne peut plus vivre de l'instantané. Et tellement attaché au passé, l'humain considère que la vie est la mémoire. Je ne me rappelle pas de mes 30 dernières années. Pauvre toi! Tu t'en rappelles, oui. Bien heureux, bien. Mais pauvre toi, pareil, j'ai fait un voyage, ça m'a coûté 25 000 piastres. Qu'est-ce que tu as vu? Aucune idée. Je t'ai fait des photos, absolument pas. Tu ramènes rien? Non. C'est pauvre toi. Voici un maître. Toi, tu vas dire, voici un imbécile. La seule chose qu'il y a, c'est que de toute façon, la mémoire de l'humain est continuellement mélangée par son imagination, par les manipulations. Ce qu'il se rappelle est habituellement un quart de ce qu'il a vécu, et encore là, j'en mets. Le reste, c'est une vraie farce. Le maître s'occupe du poison. Il est totalement vide de l'expérience, donc il est totalement vide de la mémoire. Donc, il ne s'attache pas à ce qui n'existe pas. Si je te donne une claque en plein visage, immédiatement après que mes molécules matérielles aient touché les tiennes, la claque n'existe plus. Il ne reste que de la mémoire de claque. Et toi, ce que tu vas maintenant vivre, c'est de la mémoire de claque, et non pas la claque. La claque ne fait jamais mal à l'humain. Si je te tire une balle en plein cœur, que la balle ne laisse aucune trace mémorielle dans ton corps physique, il n'y a aucun problème. Mais parce que les corps physiques ainsi que tous les égaux des humains sont organisés pour retenir, alors ils vont retenir la trace mémorielle du passage de la balle de fusil, ce qu'on appelle un trou. Et nécessairement, ils vont mourir. Et ils appellent ça être vivant, ils peuvent lutter pour repousser la mort. Un maître, ce n'est pas un être humain. Donc, nécessairement, lui, le maître, il est totalement instantané. Un maître totalement instantané n'est pas un individu qui est toujours en train d'analyser l'extérieur. Un maître, ça n'analyse pas. Mais si on lui pose des questions, la réponse sera une réponse qui nous forcera à analyser, qui nous forcera à raisonner, à réfléchir. Mais si on parle encore d'un vrai maître, un maître ne te donnera jamais la réponse que ton ego recherche. Le maître ne va que te fermer la porte en plein nez, c'est-à-dire que le maître ferme l'événement. Un maître, c'est une partie d'un événement dans la vie psychologique d'un individu. Mais un maître ne répond jamais. L'exemple que je donnais là, c'est quand vais-je être aussi évolué que vous, quand tu vas cesser de poser des questions de même. Bien, pour un ego qui veut évoluer, il n'y a absolument rien de plus frustrant qu'un imbécile qui te répond des conneries comme ça. Mais est-ce que le maître provoque des initiations? Le maître ne provoque jamais d'initiation. Mais il sert à quoi, le maître? Il sert absolument à rien, le maître. Il sert à rien, ni pour lui, ni pour les autres. Exact. Qu'est-ce que je pourrais donner comme carotte à mon ego qui veut savoir que lui, ça lui tente pas de devenir un maître, c'est ça? Bon, ton ego... Comment devenir un maître quand on est un humain puis qu'on a encore un ego? Comment convaincre l'ego que c'est peut-être intéressant que le reste du corps devienne, de l'être, devienne un être? Bon. Un maître. Avant de devenir un maître, il faut devenir un dieu. Parce qu'un maître est plus haut qu'un dieu? Oui. Je ne parle pas des maîtres spirituels comme Rajneesh ou d'autres qui sont des maîtres qui sont maîtrisés, des maîtres qui sont missionnés, qui ont un travail extraordinaire à faire, un travail que moi, je n'ai même pas la puissance émotive pour venir le faire. Donc, en partant, ce sont des maîtres qui sont raisonnables, mais ce ne sont pas des maîtres dans le sens maître. Ils ont au-dessus d'eux des maîtres. Bon, qu'ils le sachent ou non, ils ont au-dessus d'eux des maîtres. Ils méditent, ces personnages méditent. Donc, ils vont chercher de l'information. Ils ont au-dessus d'eux des informateurs, des maîtres. Qu'est-ce qu'on donne à notre ego? Premièrement, donc, il faut devenir un dieu. Il y a l'homme, il y a plus haut que l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est le disciple, celui qui est capable d'adopter une discipline. J'ai entendu quelqu'un qui dit la femme. Pas d'accord? Ouais, bah, ce sont des conneries. Bon, quand je parle d'homme, je parle de race humaine. Bon, ouais, voilà. Lorsque nous avons plus haut donc, que l'animal humain, c'est le disciple. Ou la disciple. En haut du disciple, ou de la disciple, c'est le maître spirituel. Les maîtres que l'on retrouve bien souvent sur le contexte planétaire. En haut de ce maître, nous allons retrouver les saints. Les saints. Vous en connaissez plein des saints. Bon. En haut des saints, c'est ça qu'ils disent que la femme est supérieure. En haut des saints, il y a les dieux. Et en haut des dieux, il y a les véritables maîtres. Et en haut du véritable maître, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est ce que les véritables maîtres pensent ou c'est la réalité? Non, les véritables maîtres ne pensent pas. Ce que les véritables maîtres sachent? C'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ben, si vous pouvez faire confiance à vos oreilles, vous pouvez faire confiance à ce que vous entendez. Mais celui qui se prend pour un maître et qui médite... Celui qui se prend pour un maître est un imbécile. Lui, il pense que c'est un maître. Ben oui, exactement. Alors, il pense. Absolument. Okay. C'est un imbécile. Il n'y en a pas actuellement des maîtres qui ne sont pas des imbéciles. Oui, il y en a qui sont en formation. Quand je parle d'information, évidemment, comparativement à l'humain, si l'humain décide que trois fois mieux qu'un animal humain, c'est un maître, il n'a plusieurs maîtres. Si l'humain décide que 100 fois mieux qu'un animal humain, c'est un maître, il y en a quelques maîtres. Et si l'humain décide que 1 million de fois mieux qu'un animal humain, c'est un maître, il y en a 3 maîtres. 2 millions de fois, il n'y en a pas. N'est pas. Ça s'en vient. Quand est-ce que ça s'en vient, les maîtres? Quand les gens vont tous être des maîtres ou quand les maîtres vont tous être des anciens humains? Premièrement, il y a une chose qu'on doit savoir qui se dit en 6 mots et qui rime, c'est que l'homme doit être son seul maître. Premièrement, la seule façon de parvenir à être totalement libre, c'est cela. Nous prenons ici un exemple. Je prends un verre qui s'appelle... Charles, je prends un verre qui s'appelle Daniel et je prends un verre ici qui s'appelle Carole. Qu'est-ce qu'un maître? Dans l'évolution spirituelle de la race humaine, tout est basé sur l'involution. L'involution, c'est de prendre ce que vous avez de mieux et de le donner au voisin, alors que lui n'a rien à foutre avec. Lui devra prendre ce qu'il a de mieux, peut donner à un autre voisin qui n'a rien à faire avec, et on appelle cela le partage. Alors, partageons. Charles, il veut une bicyclette et il l'achète et il la donne à Carole. Carole veut un ours en peluche, elle l'achète et elle le donne à Daniel. Daniel veut un ordinateur, il l'achète et il le donne à Charles. Alors, j'ai donné ce que je voulais de mieux à mon ami. Je suis donc sauvable. Et on a tout fait ça. Mais on a une gang de cons, une gang de misérables. À un moment donné, Daniel, il finit par manger les coups de pied et Daniel, il finit par dire, prochain ordinateur que je m'achète, je le garde. Alors, Daniel se ramasse avec un ordinateur et un ours en peluche. Alors, imaginez-vous que Daniel, il commence à être riche en tabarouette. Mais là, Charles n'a plus rien à lui, là. Fait que Charles, il est sorti vers Daniel, puis il dit, hey, t'es bien ici, t'es bien ça, etc. Sans cœur, comme tout à l'heure, tu disais. Puis là, en plus, ben, Carole, elle donne des pitous. Fait que Charles, il dit, là, moi, j'ai plus rien, puis là, je sais plus si je t'en donne, puis arrête au moins d'y en donner, on va s'en donner tous les deux. Bon, t'en voulais pas d'ordinateur, de toute façon, c'est qu'un pitou et un ordinateur, c'est pareil, c'est un bicycle que tu voulais. Elle n'en avait pas de bicycle, mais finalement, elle prend pareil, bon. Fait ce qui arrive, il arrive que Daniel, ici, le sans-cœur, l'imbécile, le tout ce que vous voudrez, et maintenant, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il se l'achète et il se le donne. Alors, lui, il fonctionne. Les autres ici, ils continuent toujours à dire, oui, mais mes goûts, là, c'est pas ça, tu sais. Qu'est-ce que t'aimerais avoir pour ta fête? Ah, ben, pour ma fête, j'aimerais avoir ça. Ah, là, ça demande trop, là. Bon, etc. À un moment donné, Charles s'écarte, puis lui avec, il finit par dire, tiens, Carole, il dit, merde, donc, garde ses babelles. Là, Carole est mal prise. Carole a plein d'affaires à donner. Et elle a besoin d'amour. Mais on ne lui donne plus rien. Puis elle en a plein à donner. Mais plus personne pour en donner. Elle suicide. Bon, réglé. Il reste donc Daniel, qui est une fille, et Charles, qui est un gars. C'est bon. Et les deux ici ne se donnent plus rien. Ne reçoivent plus rien. Mais si on est capable de donner, on peut se donner à soi, donc on est nécessairement comblé. Sauf que là, Charles a totalement ce qu'il veut, une bicycle qu'il a toujours voulu avoir, qu'il a toujours attendu après la vie ou après ce que tu voudras, il l'a. Et puis lui, ici, Daniel, elle a tout ce qu'elle a besoin aussi. Ces deux-là sont maintenant des maîtres. Mais par rapport à Carole et au reste de l'humanité, ce sont deux mots à dire, enfin, vous appelez ça des animaux, c'est des chiens, voilà, des chiens. Ce sont des chiens, voilà, et des chiennes. C'est pire, on a une chienne. Mais en réalité, ils sont maintenant libres, totalement libres. Et si on dit, oui, mais ils ne sont plus humains, effectivement, ils ne sont plus humains. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? La violence, c'est humain, on sait. Mais ce n'est pas juste le fait d'arrêter de partager qui fait que tu deviens humain. Non, c'est le fait d'arrêter de souffrir, de partager. Le fait d'arrêter de souffrir, de demander. Quand tu n'as plus besoin de rien, parce que toi tout seul, ça te suffit, tu es tout proche. Est-ce qu'on peut s'autosuffire dans la planète actuellement? On peut s'autosuffire. Maintenant, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que parce que toi, l'ordinateur, on peut aller l'acheter. Je commencerai pas, moi, à travailler le sol pour fabriquer des micro-puces puis faire un ordinateur. Ça va me prendre approximativement, bon, calculons 1,5 milliard d'années pour parvenir à en faire un. Alors, si je répartis 1,5 milliard d'années à travers tous les individus qui ont vécu sur le plan planétaire, j'aurai un ordinateur maintenant au magasin. C'est le temps que ça prend à faire un ordinateur. Je suis totalement libre pour la simple raison que je ne suis pas dans l'attente. Là, je prends un exemple matériel qui est réel, sauf que ça ne m'empêchera pas, moi, de faire ce que j'ai besoin de faire, de cumuler de l'énergie là où je suis bon pour aller en chercher, mais je ne la donne pas. Je ne la dilapide pas. Je vais l'échanger avec d'autres énergies. Si à un moment donné, tu as 3-4 bicycles, ou bicyclettes que tu t'es acheté, ou etc., puis moi, j'ai besoin d'une bicyclette, eh bien, peut-être qu'on peut faire un échange. Mais je n'attends pas après personne. Au niveau des plans spirituels, c'est encore plus vrai qu'on ne doit pas attendre après personne. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne se sert pas d'un événement. Lire un livre, c'est un événement. Mais l'individu, l'ego humain ne peut pas penser tout connaître. Un astral, tant que l'humain est habité par un astral, par un ego, par une âme, il aura nécessairement besoin d'informations provenant de l'extérieur. Donc, il aura besoin d'un maître, un maître spirituel, ou il aura besoin d'un prêtre, ou il aura besoin d'un gourou, il aura besoin finalement d'un saint, il aura besoin d'un lieu. Puis, par la suite, il pourra peut-être côtoyer un vrai maître, mais il deviendra un maître, un véritable maître. Ce n'est pas grave. L'humain, ce qui arrive, c'est que l'humain veut toujours... L'humain ne comprend pas différentes mécaniques. Un véritable maître, ça ne mange pas. Alors, quelqu'un ici dans la salle peut dire, « Ah bon, ben, moi, je ne mange plus à partir de ce soir. » Non, tu n'es pas un maître. Tu es un imbécile. Le maître ne mange pas parce que le maître a un corps physique qui n'a pas besoin de s'alimenter. Hein? Ce n'est pas une question de virtuosité. C'est pas parce que... Que pour être un maître, il cesse de manger, non, non. Comme des personnes se font crucifier tous les années, ça n'a strictement rien à voir avec l'évolution christique. Ça m'en dit clou. Mais ce n'est pas grand-chose. Le maître, dans le contexte astral, l'animal humain, qui donc, il y a une partie de l'ego, cet ego-là, lui, est continuellement à la recherche de connaissances. Il veut savoir parce qu'il a peur. Étant écrasé par la peur, il recherche pour un maître, quelqu'un qui va venir le remplir. Qu'est-ce qu'il recherche? C'est une source. Il recherche une bonne fontaine où il peut pouvoir se connecter puis avoir la clé pour l'ouvrir. Ce qui arrive, évidemment, c'est que la majorité des bonnes fontaines, mais une bonne fontaine parue, puis on est un million à se connecter dessus, la pression d'eau n'est pas forte. Alors, vu que la pression d'eau n'est pas forte, on essaie de se relier entre nous autres, hein, ça crée une espèce de collectivisme général, où l'eau passe maintenant par tout le monde un peu. Sauf que toutes les bonnes choses que j'ai sont diluées à travers la collectivité, et tous mes détritus sont aussi répartis à travers la collectivité. Ce qu'on appelle le pardon des péchés. Ça fait juste nous donner l'impression qu'il y en a plus. Ça donne l'impression que j'ai la possibilité théorique d'avoir accès à tout l'eau de la bonne fontaine parce que je suis dans tel groupe. Alors, je me sens puissant. Sauf que je me sens puissant, mais je n'ai jamais la possibilité de m'en servir. Mais j'ai toujours l'illusion que je pourrais m'en servir. Mais s'il y a c'est plus... pas mauvais, c'est très bon. S'il y a de plus en plus de maîtres, est-ce qu'il y aura plus de bonnes fontaines ou s'il y aura moins de monde? C'est que ces bonnes fontaines-là n'ont... Il n'y a pas de clé pour les ouvrir. Les vrais maîtres qui s'ouvrent ou qui se ferment dépendant des nécessités mécaniques, des nécessités écologiques. Mais ce n'est pas un être humain qui va arriver, se mettre à genoux, prier, etc., puis qui va forcer un maître à s'ouvrir. Il est mieux d'aller voir un dieu. Les dieux sont compatissants. Pas tous, mais les dieux sont compatissants. Il y en a qui sont compatissants à la haine, il y en a qui sont compatissants à l'amour, ça dépend des dieux. Mais pas un véritable maître. Tu peux aller broyer ton petit bras à ses pieds, il va s'asseoir sur toi quand tu vas t'aller. Qu'est-ce que je comprends toujours pas ce que ça donne de devenir un maître? Qu'est-ce que ça donne de devenir un maître? Voilà. Ça donne que... Pour l'ego, là. Dans la vie actuelle. Dans la vie actuelle. De demain matin, là. Qu'est-ce que tu donnes dans la vie actuelle? T'as une femme, des enfants, une famille, ou peu importe, un patron, des gens avec qui tu côtoies, des gens que tu côtoies, des gens avec qui tu vis ou tu travailles. Si demain matin, tu dis, bon, moi, je ne partage plus, je fais mon travail. Non, non, le maître ne partage pas. L'animal humain qui décide de ne plus partager n'est pas un maître. Oui, mais si l'animal humain tend à devenir un maître, il va falloir qu'à un moment donné, qu'il veuille ou pas, si c'est un maître, le fait de ne pas partager, si c'est un maître, il va arrêter de partager. Qu'est-ce que il va survivre entre les deux. Qu'est-ce que c'est que le partage? L'humain ne sait pas ce que c'est que le partage, parce que l'humain ne partage pas, l'humain gaspille. Premièrement, un maître, c'est le partage du même, le maître partage. Le maître fait du véritable partage, c'est-à-dire que le maître partage les poids sur la balance en fonction d'un résultat, en fonction d'un résultat de levier. Le maître n'est pas là pour dire, ah bon, ok, tu as tout dépensé encore, bien voilà, je partage. Non, le maître, là, c'est un être humain qui s'appauvrit. Bon, parce qu'il met ça dans un trou. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque vous rencontrez une clochard sur la rue, ici à Montréal, par exemple, ou à Longueuil, et vous le voyez extrêmement sale, crasseux, esquirate, etc., puis là, vous vous dites, pauvre bonhomme, c'est que vous n'avez rien compris. C'est tellement heureux. Il n'y a plus que vous. C'est une richesse. Il se promène tout l'été avec ses trois manteaux, parce que s'il les laisse quelque part, il n'y aura aucun manteau pour l'hiver prochain. Il s'accumule suffisamment de chaleur pour traverser l'hiver. Et l'humain va dire, pauvre diable, ça n'a pas d'allure, c'est ici, c'est ça, et on va vouloir peut-être l'aider. on n'a absolument rien compris. C'est comme d'aller dans un pays sous-développé pour vouloir leur donner la religion catholique romaine. C'est la même chose. Oui, mais c'est des sauvages, ils ne rentreront jamais au ciel. Il faut aller leur porter la bonne nouvelle. À coups d'épieux, s'il le faut, mais merde, il faut qu'on les sauve. C'est la même vision. Lorsque l'humain vit une condition, il est habituellement toujours heureux dans sa condition. S'il n'est pas heureux dans sa condition, il change sa condition. Mais si nous allons missionner, changer sa condition, nous allons simplement interférer à travers toute l'évolution d'une partie de l'humanité, sinon de l'humanité en général, comme les peuples qui veulent rendre tout le monde chrétien, catholique, musulman, etc. Nous ne devons pas faire cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du partage, c'est du vol. Nous, qu'est-ce que l'humain fait dans ces cas-là? L'humain, il ne partage rien. L'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de se payer un luxe qui va atténuer sa culpabilité, c'est tout. L'humain essaie aussi de se convaincre qu'il a raison. Porter la bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis tellement pas sûr de mon affaire que plus d'humains qui vont y croire, plus je vais être sûr. C'est ça, porter la bonne nouvelle. Et il y a énormément d'individus qui ont peur de pénétrer dans des sectes, dans des choses comme ça, juste pour aller voir, de peur de se faire ramasser. Mais c'est pas une question de partage. Alors, qui partage quoi? Tu partages même pas avec tes enfants, ils te le volent. Qui partage quoi avec qui? L'humain ne sait pas ce que c'est que le partage. Pour l'humain, le partage, c'est avoir la conscience tranquille. Mais si l'humain a la conscience tranquille, il ne partage plus pas tout. C'est comme l'humain. Si l'humain ne souffre pas d'avoir l'écureuil blessé, il fonce dessus avec son pied. Si l'humain souffre de voir blessé, ah ben là, il va appeler la SPCA, il va vouloir l'aider, il va vouloir l'achever, il va être manipulé. Le partage, c'est la même chose. C'est que dans les archétypes, on a tellement manipulé l'humain. Pour que l'humain s'aplanisse, qu'est-ce que c'est que le partage catholique ou le partage humain, sinon du socialisme total? T'es interdit d'être plus intelligent que tout le monde, que personne. Interdit d'être plus riche que les autres. Tu commences à grimper, ça reste d'évoluer, Christy. Va voir la vieille ou le jeune sur le bord de la rue, puis fais évoluer que toi. Un instant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout seul pour le rue évoluer. Danger public. Ben, en Union soviétique, c'est la même chose. Si tu commences à être riche un petit peu trop, ça n'a plus d'allure. Qu'est-ce que tu vas faire, riche, entouré de pauvres? Tu vas être malheureux. Puis alors, encore, on veut tellement pas que tu sois malheureux qu'on passe une loi de l'interdisant. Puis là, c'est pas ton bien. Mais c'est la même maudite chose. L'humain ne partage absolument pas. L'humain n'a aucune idée de ce que c'est que le partage. C'est quoi le partage? Si moi j'ai deux pommes et vous avez faim, vous en voulez des pommes, mais venez, ramassez-en des pommes. Ah, ils vont toutes me sauter dessus. C'est exact. C'est parfait. Si moi je suis intelligent, je vais leur en donner pour pas qu'ils me sautent dessus. C'est pas du partage. Si je suis spirituel, je vais dire je partage. Et là, je vais dire à l'humain, bien, aimez-moi, je partage. Puis je ramasse tout, mais c'est pas du partage, encore une fois, c'est que c'est uniquement du contrôle, de manipulation, autodéfense, de la déculpabilisation, mais ce n'est pas du partage. Le maître partage les poids là où c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce que c'est le partage pour le maître? Le partage pour le maître, c'est que présentement, on donne à la partie nord planétaire suffisamment d'énergie pour qu'elle évolue. Mais cette énergie-là, on la prend dans la partie hémisphérique sud. Donc, tous les pays qui vivent dans l'hémisphère sud ou presque sont extrêmement pauvres, sauf ceux qui viennent, qui ont une obédience énergétique réincarnationnelle qui viennent du nord, comme l'Australie qui est en Quai-Britannique ou certaines régions du genre. Tout l'hémisphère sud au complet, ben, ce sont des pays qui sont en voie de sous-développement, ce sont des pays qui ont des problèmes climatologiques réguliers, ce sont des pays qui sont toujours en guerre, parce que ça nous donne la paix au nord, parce que ça nous donne de l'énergie au nord, parce que ça nous donne des ressources minières, des ressources financières, des ressources matérielles au nord, parce que ça nous donne du temps au nord alors qu'en bas ici, ils s'amusent, parce qu'ici, nous vivons extrêmement bien, mais c'est un partage absolument génial. Mais c'est le maître qui décide ça? Un maître partage comme ça. Mais est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il... Tantôt, il n'a pas besoin de penser, c'est évident. Mais ici, il pèse dans la balance, le pôle. Non, il ne pèse pas dans la balance. Mais comment il décide? Quand la balance monte, là, il faut qu'elle baisse, tu mets du poids, tu n'as pas besoin de peser. Le maître, c'est un individu qui un jour rentre chez vous, vous lui dites, aide-moi. Alors, il vous maudit un bon point en pleine face, il vous crève un œil, puis il s'en va. Ça, c'est un maître. J'espère ne pas rencontrer un comme ça. Mais c'est un maître. Et là, vous dites, j'ai rien compris. Il revient à la maison, vous crève l'autre œil. Puis là, pendant 10 ans, vous haïssez tout ce qui est haïssable sur la planète. C'est pas les yeux qu'il fallait qu'il crève tes sous, ça fait deux fois que tu as dit. Commence par les yeux pareils. Et puis, par la suite, l'individu va avoir suivi un cheminement d'évolution qu'il n'aurait jamais suivi avec ses deux yeux. Qui sait? Avec ses deux yeux, peut-être qu'il serait devenu une lavette, peut-être qu'il serait devenu un tyran comme Adolf Hitler, peut-être qu'il serait devenu, peut-être que etc. Sauf que l'intervention d'un maître est une intervention qui n'est à peu près jamais compréhensible par les maîtres. Mais comment le maître fait pour savoir que c'est en lui crevant les deux yeux que ça va le faire évoluer, puis qu'est-ce que ça lui donne de le faire évoluer? C'est tellement, tellement, tellement simple. Mais c'est simple que ça, explique-moi-les. Si le maître crève les deux yeux, ouais. C'est qu'il y avait deux yeux qui devaient être crevés. Mais qui a dit au maître qu'il fallait qu'il crève les deux yeux? Il a réussi à le faire. Mais comment, qu'est-ce que ça lui donne au maître, le maître? Ça n'a rien. Crever les deux yeux du disciple ou de qui que ça voudra se faire évoluer. S'il s'est évolué que ça, il n'y a pas besoin de faire évoluer les autres. L'autre ne verra pas. Mais il n'y a pas besoin, ça lui donne rien. Oui, c'est pas question que ça donne quelque chose. Pourquoi vous pensez que vous êtes sur la planète Terre? Est-ce que ça vous donne quelque chose d'être sur la planète Terre? Non. Voilà. Est-ce que ça donne quelque chose? Pensez que ça donne quelque chose à un Dieu quelconque de nous avoir plantés ici pour nous niaiser comme ça se passe présentement? Non. À moins que ce soit réellement masochiste ou qu'on soit dans un jeu vidéo. Bon. Maintenant, l'humain pose toujours la question. On va aller au ciel jouer de la harpe pendant l'éternité. L'éternité, je ne sais pas si vous le savez, mais les calendriers en font maudit pour compter sur l'éternité. Alors, ça va nous donner quoi d'être sauvés, d'aller au ciel? L'humain recherche ça depuis que l'humain recherche ça, mais ça va donner quoi? Pas grand-chose. Il y a des questions, à un moment donné, qui ne peuvent pas être comprises par l'humain. L'humain de devenir quelque chose d'autre. L'humain de devenir un surhomme, une surfemme, un surenfant. Il doit devenir quelque chose qui dirige vers le maître. Parce qu'à un moment donné, il saura pourquoi. Mais l'ego ne peut pas comprendre ce genre de mécanique. L'ego recherche l'intentionnalité. Telle est la raison de. Il n'y en a pas. La création est un accident. L'intervention de l'homme du point de vue de la conscience est une solution à la création. Mais l'ego est une terrestrification, un mélange matériel accidentel avec l'intervention intentionnelle. L'ego, c'est le virus. Ça ne comprend rien. L'ego, c'est l'âme. Lorsque l'âme dit « Pourquoi? » Bien, la raison que l'ego, que l'humain en général recherche, c'est une raison qui est humaine. Parce que si l'on dit « L'humain a été créé de façon à engendrer des corps physiques qui un jour pourront supporter de la lumière, de l'intelligence, et par la suite il y aura une fusion globale, toutes les cellules deviendront un corps, et puis on peut s'amuser. » Mais l'humain ne peut pas suivre longtemps ce genre d'explication. L'humain recherche des raisons humaines. Dieu a créé l'homme dans sa grande bonté. Ben oui, on a dans sa grande bonté. Il a créé Maringouin sa grande bonté, puis c'est même pas que Maringouin et les humains ne s'habitent pas sur la même planète. Dieu a créé, etc., etc. Ce sont des raisons humaines. Mais parce que l'humain a désobéi à Dieu, Dieu dans sa juste colère, Dieu est en colère, mais ce n'est pas une colère comme nous autres, quand même, c'est Dieu. Dans sa juste colère, dans sa bonne colère, il a décidé que la femme enfanterait dans la douleur, puis que le bonhomme devrait suer pour faire du pain. Bon. Et ça pour les générations à venir. Franchement, je pense que s'il serait juge aujourd'hui, il serait descendre rapidement. Mais l'ego est séparé en deux, là. Il y en a une partie qui voudrait devenir un maître, qui verrait l'intelligence. Ils veulent devenir un maître. Mais il y en a une partie qui, elle, ne comprend pas qu'est-ce qu'on va aller faire là, c'est si plate que ça, quand tu es un maître. Aucune partie ne comprend. Tout l'ego veut devenir un maître. Une partie de l'ego veut contrôler toute la mécanique quand ça va arriver. Et l'autre partie s'en fout. C'est l'ego qui veut être un maître. C'est l'ego qui veut être un maître, c'est évident. C'est l'ego bon, puis en même temps, c'est l'ego qui dit ce que ça va me donner. C'est ça. Voilà. Je suis un pauvre, je veux rester pauvre, je veux essayer le pauvre pour devenir le riche. Oui, mais qu'est-ce que ça va me donner d'être riche? Tu serais plus pauvre. Ah, ça m'intéresse pas pantoute. Ben oui, mais... Mais si tu sais pas la différence entre être riche et être pauvre, tout le monde est pauvre alentour, comment tu me dirais que je vais être riche? Je suis riche, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Oui, parce que tu te rappelles dans ta mémoire qu'un jour, avant ton effusion, avant ta terrestrification, tu te rappelles de ce que c'est qu'être un maître. Parce que vous l'avez tous été. On a des idées de ce que c'est, mais ces idées-là, on les connaît, on se connaît qu'à autrui parce qu'on s'en rappelle pas assez. Alors je me dis, l'autre bord, puis on se collectivise. Là, on devient un mouvement machin chouette qui a plein de maîtres dans l'astral qui vient nous parler. On devient, etc. Parce qu'on essaie d'aller, l'ego veut aller chercher ce genre de choses. Mais chaque fois qu'il rencontre un vrai maître, le vrai maître lui répond toujours bêtement, continue à faire ce que tu fais, ou quelque chose d'autre. Tu sais, ça devient une réponse que l'ego ne veut pas. Par contre, toute l'intervention d'un véritable maître est une intervention qui va contre l'ego de l'humain. On n'a pas besoin de la collaboration de l'ego, vu qu'actuellement, c'est lui qui dirige mon corps physique pour aller faire ce qu'il faut que je fasse, pour aller faire les séminaires, les conférences. Ça me prend une carotte, là. Sinon, il n'y aurait pas de carotte. Un gâteau complet. Bon, le moins gâteau carotte. C'est ça. Bon, à quoi ça sert à l'ego de devenir un maître? L'ego ne devient pas un maître. À quoi ça sert à l'ego de laisser un maître apparaître dans le corps physique, donc dans la conscience où l'ego se réfléchit normalement? Voulez-vous rencontrer un maître? C'est facile, je vais vous en présenter un maître. Il faudrait un miroir pour cela, mais quand même. Le maître, il est là, sauf que l'ego n'en veut pas. L'ego n'en veut pas, pourquoi? Parce que l'ego veut devenir le maître. Mais l'ego ne deviendra jamais le maître. L'ego ne peut qu'expérimenter la présence d'un maître et s'illusionner d'être maître. Après un contact illuminatif, tu deviens un saint ou un imbécile, mais tu n'as plus de contact après. Tu as expérimenté le contact, après ça, tu t'en nourris le restant de tes jours. C'est arrivé toujours aux illuminés du passé et de beaucoup d'actuels. Alors, premièrement, il faut devenir un dieu. Ça veut dire que l'ego va découvrir, à un moment donné, quelqu'un qui, chez lui, lui donne toutes les réponses. L'ego va dire « je parle avec Dieu ». La problématique, c'est que si vous vous arrêtez là, vous allez rejeter loin le maître. C'est-à-dire que vous-même, vous devenez un maître, un véritable maître. Quelqu'un qui a la capacité de supporter tout ce qui a à être expérimenté à l'échelle de la planète. Puis, problème. Le maître aura toujours ce qu'il faut pour parler à l'ego. Il va le se calmer, il va lui donner des raisons. Sauf que l'ego, lui, rejette totalement le maître qui est à l'intérieur de lui et le projette dans un endroit nébuleux quelconque. C'est une problématique parce que vous devez devenir des dieux. Encore une fois, est-ce qu'on doit être des dieux pour autrui? Non, c'est le polythéisme qui doit dominer, pas le monothéisme. Pas l'athéisme, la confiture collective. On doit être son seul dieu. Cela veut dire que l'ego doit autoriser le dieu, enfin vous, le mental, puisque vous êtes aussi, à répondre des choses. La problématique, c'est que dans le début, vous allez décoder des choses, vous allez devoir expérimenter une mécanique qui est intéressante, qui est extrêmement plate pour l'ego, c'est qu'il y a le langage de l'intelligence et il y a le langage de l'ego. Il y a le langage du maître et il y a le langage du disciple. Le disciple, il arrive et il dit, « Est-ce que je peux mettre les fleurs sur la table? C'est tellement beau! » Et le maître répond, « Non, tu vas les tuer. » Et le disciple, il ne comprend plus pas en tout. Ben, oh, mais les fleurs, c'était placé là pour l'autre. On va en pousser d'autres. Et le maître, il répond, tu viens de couper les fleurs, tu les as tuées. Si tu tues les fleurs, permets-moi de tuer tes enfants. Et là, le disciple, il dit, non, mes enfants, tu vas les mettre sur ta table. Puis, oui, tu vas en faire d'autres. Puis quand tu en auras fait d'autres, je les tuerai. Pour les employés. C'est la même chose. Je me nourris de leur vision, je me nourris de la vision des fleurs. Lentement, ce qui va arriver, c'est que, étant donné que le langage de l'intelligence, auquel on pourra revenir à un moment donné, ou peut-être lors de la deuxième partie, c'est un langage qui parle d'une certaine façon, et il doit y avoir un interpréteur, un décodeur, qui lui va traduire dans un langage accessible à l'ego, ce qu'on appelle bien souvent une spiritualisation. Ce que je fais souvent. Et là, l'ego va comprendre, à partir des structures qui l'ont programmé, les structures qui l'ont fait naître, ce que le maître veut dire. Mais lorsque l'ego l'a compris, si l'ego le communique, tous les autres égos vont dire, « Hey, ton maître, c'est un spiritualiste, ou c'est un imbécile, ou c'est un etc. » C'est ce qu'on doit comprendre. C'est que pendant un laps de temps, on va poser une question, et on aura une réponse, parce que vous répondez souvent. Mais la réponse, étant donné qu'elle est tellement colorée par l'ego dans la phase d'interprétation, que lorsqu'elle arrive à votre conscience, elle n'a pas nécessairement la valeur que vous attribuerez à un maître. Alors, on rejette. Oui, mais si je rencontre Machin Chouette ou Daniel Kemp, ou si je lis tel livre, c'est tellement plus précis. Oui, mais c'est simplement parce que mon décodeur, mon interpréteur est plus expérimenté. Mais c'est la même chose. On ne doit pas s'assujettir à moi ou à n'importe qui. On peut se servir de moi ou de n'importe qui ou de n'importe quoi comme événement pour apprendre à décoder. Ah, ben lui, il a les mots, c'est en plein ça, c'est ça. C'est que lui, il a les mots, c'est qu'il vous manque simplement de mots pour pouvoir transmettre le langage de l'intelligence en langage digérable par l'ego. Donc, lentement, un Dieu apparaît pour l'ego. Il entre en contact avec... un être humain peut appeler ça un maître. Ça peut être un maître machin chouette. Il entre en contact avec... Ce maître-là, on doit le digérer. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va donner à l'ego? Ça va rendre l'ego immortel. Et immortel dans une phase, pas immortel comme présentement, où ce qui meurt, revient, meurt, revient, meurt, et tout le long de la ligne. De l'immortalité, le dobétérique, de l'immortalité morontielle, où l'ego sera un véhicule. C'est intéressant comme point de vue ici. Faut que tu penses à ça, là, en tout cas. L'ego, qu'est-ce qu'il va devenir? L'ego, c'est exactement l'humain, qu'est-ce qu'il veut, l'humain? Qu'est-ce qu'un astral? Qu'est-ce qu'un ego veut? L'ego veut adorer les dieux. Adorer les dieux veut dire recouvrir les dieux d'or. Recouvrir les dieux d'or, ça veut dire que si je suis capable, moi, de prendre ce que j'ai de mieux et de le donner à Dieu, donc, bref, ce que je suis moi et le donner à Dieu, je suis même prêt à donner ma vie pour Dieu, c'est que tout ce que je vais donner à Dieu va recouvrir Dieu. Et j'adore Dieu. Tu comprends le principe? C'est exactement ce que les religions veulent que l'humain fasse. Le double éthérique, lorsque le mental devient, lorsque l'intelligence supramentale crée un double éthérique par une égoïsation, on crée un double éthérique dans le plan morontiel. L'ego, qu'est-ce qu'il va devenir? L'ego, c'est que l'ego devient le corps morontiel, le corps éthérique. Donc, effectivement, ce qui va arriver, c'est que tout l'ego complet va finir par devenir l'enveloppe extérieure du double éthérique. Qu'est-ce qu'il va y avoir? À l'intérieur duquel est le Dieu. On parle donc de recouvrir d'or. Si tu as mieux, c'est un corps de lumière. Fait que, évidemment, si on prend le langage, quand je parle de langage spiritualisé, digéré, c'est ce que je veux dire. Moi, je dis qu'on devient immortel, que le double éthérique garde la conscience lucide de l'humain, et que c'est l'ego qui devient le corps du double éthérique. Si on spiritualise, bien, c'est cela. Vous devez simplement tout remettre entre les mains d'un Dieu, mais il faut faire attention à quel Dieu. Mais le Dieu à l'intérieur du double éthérique, c'est quoi? C'est toi. C'est une masse? C'est un corps physique, c'est un esprit. C'est une masse, ce n'est pas un corps physique, ça peut se physifier, c'est une masse, au sens que ça courbe l'espace-temps autour d'elle. C'est toi, c'est tout ce qui est lucide chez l'humain. Tout ce qui est lucide chez vous, c'est ce qui crée le double éthérique. Chaque fois que l'être humain vit de la négoïsation, c'est-à-dire qu'il vit la fonte de son ego, il crée le double éthérique. Créant le double éthérique, il devient le maître. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on renverse de l'eau, on est habitué. À un moment donné, il faudrait mettre de la bière, ça va faire changement. Bon. Alors, on renverse de l'eau, et puis les parents se mettent à sécréter, parce que c'est un enfant, quand c'est un adulte qui renverse de l'eau, c'est comique, mais quand c'est un enfant, c'est dramatique, on chicane. Et là, à un moment donné, les parents finissent par vouloir crier, parce que programmation de l'ego, et mentalement, ça dit chez eux, alors, bon, finalement, merde, calme-toi un peu, ça va sécher, puis c'est pas plus grave que ça, puis t'es renversé encore de l'eau, bon, voilà, puis si t'es renversé encore, renverse-la sur ton bord. Là, il vient de se passer quelque chose. Il y a eu un ajusteur de pensée qui a commencé à opérer. C'est-à-dire que toute la pensée, ce qui était programmé dans l'ego, vient pour s'exprimer encore en colère. L'ajusteur prend tout ce qui vient d'être transmis au niveau de l'ego, du mental, et ajuste, va rectifier, va ajuster tout cela au complet dans une mécanique psychologique. Et tout ce qui va être exprimé va être totalement différent, puis finalement, on va réoffrir de l'eau. On ne sécrétera pas ce qu'on aurait sécrété, donc on se rend compte que ça ne nous touche pas autant. La parole, prochaine fois renversée sur toi, au lieu de dire, tabarne, fais attention, ajusteur de pensée, ajusteur de parole. Et là, il y a donc quelque chose qui est venu chez l'individu. L'individu peut dire, crime, mais je ne me suis pas reconnu, c'est juste ça, j'ai agi différemment, pour moi, je suis plus relax, ou bon, il va trouver des raisons. C'est l'ego qui dit ça. Ça, c'est l'ego qui dit cela, et simplement, c'est que vous, le mental, le maître en puissance, le maître qui va devenir, se développer là, passer par la phase de divinisation par l'ego, contrôle les choses. Lentement, parce qu'on vient de faire cela ici, on vient de prendre une partie très négative de l'ego. L'ego, c'est ceci. On vient de prendre une partie qui est en bas ici. Cette partie-là, on la coupe, celle qui devait s'exprimer, et on la place en haut. Qu'est-ce qui vient de se passer? On est maintenant content de notre acte. Donc, on vient de s'égoïser. Mais on vient de prendre de l'ego noir et on vient d'en faire de l'ego blanc. On est encore dans la phase d'égoïsation. Quand l'humain dit, oui, mais moi, quand j'évolue, j'ai du plaisir. Vu que j'ai du plaisir, je sécrète. Vu que je sécrète, je m'égoïse. Puis comme l'évolution vers l'immortalité et vers la conscience supramentale, c'est de la négoïsation, et j'y arriverai jamais. Oui, tu prends ce qui est en bas, tu le places en haut. En haut, là, l'ego ici est beaucoup plus apte. N'importe quand dire, OK, j'exécute ce que le maître me dit, le mental, ou l'intelligence supramentale, le véritable maître. L'individu, c'est un égoïste. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y aura tellement d'énergie placée en haut qu'une grande quantité de l'énergie va s'en aller dans le plan moronciel, créer le double éthérique. Et là, réellement, on adore. Mais au fur et à mesure que cela se fait, il ne faut pas s'attendre. Tout à l'heure, j'ai dit un maître dans son salon, c'est dangereux. Ceux qui ont un maître chez eux ici, un véritable maître, un maître qui fait qu'il y a une crevaison trois semaines, un maître qui fait que le feu prend presque chez eux, un maître qui fait qu'ils sont peut-être malades un peu, on peut crever les yeux, un maître. Ceux qui en ont un maître dans leur conscience, ils disent, oui, mais depuis que, bon, ça va mal, et puis qu'est-ce qui se passe, puis je vais bien quoi, faut que je m'en égoïse, etc. Un maître, c'est un catalyseur. Ça fait en sorte que ça accélère les choses. Ça enduit les autres membres de la famille ou l'entourage? Par imprégnation, nécessairement, vu que l'humain est collectif, il devient un karma collectif, donc nécessairement toute la famille va souffrir la présence du maître. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les humains comprennent. Les égaux ne comprennent pas ce qu'un maître fait. Les égaux ne peuvent pas comprendre. Et ça ne... Je vais faire attention encore, je n'ai pas dit que le maître arrive dans ma tête et il vous dit « Hey, prochain chouette, calme-toi. » Si vous savez que c'est vous qui vous le dites, c'est un véritable maître qui parle. Mais si vous découvrez que ça parle, ça, c'est un maître qui parle. Un faux maître? Non, un maître. Mais pas un véritable maître. Non, mais c'est pas un véritable maître, c'est pas un faux maître. Non, c'est pas un faux maître. Ça maîtrise. Mais c'est pas un faux maître, mais c'est un maître à rejeter. S'il vous dit des choses correctes, prenez-les. Mais il ne faut jamais faire confiance à cela. Lorsque l'individu vit de plus en plus ce genre de phénomène, il crée son double éthérique. Nécessairement, l'ego veut adorer les dieux. Le dieu, c'est le double éthérique. L'ego, en fait, égoïsant, fait il adore. Il recouvre le double éthérique et le rend plus planétaire. Plus fin, c'est un corps de lumière, on parle d'adorer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que cela va se faire, il y aura dans la conscience de l'individu des choses qui vont se passer. Bon, une expérience extrêmement banale, mais quand même qu'on a vécu en fin de semaine dernière, il y a une personne qui se promenait dans la forêt, et puis elle marchait sur le bord de roche, et puis elle est tombée. Comme ça, bêtement, stupidement, et on passe le dos à peu près 12 pieds dans les roches, dans la terre. Et étant donné que cette personne-là était morte, dans ton langage, vivante, c'est pas le mien, elle est arrivée en bas, et là, logiquement, tu es blessé. Tu sais, 12 pieds sur le dos, dans de la roche. Et là, vérifier son corps. L'ego n'a pas eu peur, là, mais vérifier magnifiquement son corps. Et puis, elle n'a rien trouvé. Et puis, elle s'est levée. Et puis, elle a continué. Et puis, après ça, ben, il n'y a pas eu de problème, elle n'a aucune blessure. Ça donne ça quand tu deviens ton véritable maître. Ça donne ça quand c'est le véritable maître qui contrôle. Mais il se passe des choses qui sont dangereux pour l'ego. Cette personne-là, si elle n'a pas suffisamment d'anégoïsation, va sortir de cet accident avec un traumatisme. Parce que c'est illogique, c'est comme si un camion frappait, vous montez 12 pieds dans les airs, vous tombez le dos sur la chaîne de trottoir, après un petit peu d'étourdissement, vous vous relevez, vous n'avez absolument rien. Le camion est abîmé, c'est évident, mais pas vous. La majorité des animaux humains vont être traumatisés. Normalement, ils deviennent missionnés, là. Là, ça ne te fait pas plus reculer qu'avancer. Ça te fait avancer dans une direction qui est utile à beaucoup d'humains, mais qui va te servir beaucoup plus tard. Ce que tu appelles reculer. Alors, lorsque l'être humain commence à avoir un contact avec lui-même, lorsque l'ego commence à avoir un contact avec ce qui l'informe, donc ce qui l'a formé antérieurement, il appelle cela Dieu ou un maître. Dans le cas d'un Dieu ou d'un maître, on doit faire attention. Pourquoi? Parce que c'est une vision émotive, spirituelle, donc astrale, et on peut rencontrer n'importe quelle motivation, donc on peut se connecter à peu près à n'importe quel genre de maître qui se cherche. Par exemple, une personne ici devient suffisamment maître, et puis elle commence à se trouver bonne. Et puis là, nécessairement, pendant son sommeil, elle se cherche ici. Toi, tu commences à communiquer avec ton maître, puis tu commences à y croire, puis à un moment donné, c'est ta voisine, justement, qui est rendue là. Puis c'est elle qui te parle. Puis tu continues à penser que c'est toi, puis tu y vas, puis tu y fais confiance, maître-là. On ne fait jamais confiance à rien. La confiance est inutile. Il y a une forme de confiance qui est vibratoire, qui est un savoir instantané dans l'événement même de quelque chose. On ne peut pas faire confiance pour les 20 prochaines années. On peut faire confiance maintenant. Mais lorsqu'un maître vient nous parler, ça vient nous dire ce que l'on doit faire. Si ça vient nous dire ce que l'on doit faire, on doit conserver chez soi un interpréteur, c'est-à-dire qu'on doit rester là. Le maître qui vient nous parler, le maître astral, est peut-être plus proche de mon ego, donc il a un langage plus compréhensible par mon ego que mon maître, que moi, le mental. À partir du moment où ça pense dans ma tête que ça vienne d'un maître ou d'une maîtresse... Je dois redécoder. C'est pas bon. C'est ça. Je dois faire extrêmement attention. Ça peut être correct. Si la pièce prend feu et que moi, à un moment donné, je dis « Je suis le maître, sortez! » Puis il y a un imbécile qui dit « Ah, moi, les maîtres, j'écoute pas ça, je suis ici. » Non. Parce que l'information qui provient du monde de la mort, qu'elle soit divine ou qu'elle soit de maître, est là, de temps en temps, de l'efficacité. Mais vous devez rester là pour pouvoir observer et vous dire « Ah, ça, c'est une bonne idée! » Et non pas dire « Ah, le maître, elle a dit, j'y vais! » C'est ça qui est le problème. L'individu qui commence à toucher au véritable maître peut facilement se faire avoir par tous les maîtres en croissance à travers l'humanité, des personnifications, des personnalisations astrales des maîtres, donc des phénomènes du monde de la mort, qui, par le canal réincarnationnel, viennent communiquer avec l'humain. Lorsque vous commencez à avoir un contact, par exemple, à un moment donné, vous venez pour taper sur votre enfant, puis ça arrête, votre voix est différente. C'est l'ajusteur de pensée. C'est vous qui faites cela, mais pas le vous astral que vous connaissez. Vous dites, oui, non, je ne me reconnais pas. Mais non, c'est évident, je ne peux pas te reconnaître. Tu l'as vraiment expérimenté. N'empêche que c'est la réalité de l'humain. C'est l'humain vivant, là. C'est pas l'humain mémoriel qui cherche dans sa mémoire et qui dit, crime, je ne me reconnais pas. J'ai fouillé dans tout mon tombeau et je n'ai pas vu ça. Est-ce que ce vous-là qui va se ramasser à l'intérieur du double éthérique plus tard va avoir le contrôle du double éthérique ou ça va être encore le double éthérique qui va contrôler le vous comme c'est actuellement l'âme qui. C'est toute l'entité au complet qui devient le maître, contrôleur. Ça va avoir une fusion entre le double éthérique et la fusion totale entre tous les mécanismes au complet. C'est pourquoi que ce qui vient adorer le double éthérique, finalement l'ego, ne sera pas uniquement une enveloppe, un vêtement. Il sera essentiel, mais il ne sera plus un ego. Comme la graine que tu plantes, lorsqu'elle devient un pommier, ben, c'est plus une graine, il n'y a rien à faire. Au niveau de l'évolution de l'homme actuel, l'ego est essentiel aussi. L'ego est totalement essentiel, comme les maîtres sont essentiels, comme les dieux sont essentiels, comme les saints sont essentiels, comme les gourous, comme les prêtres sont essentiels, comme les ennemis sont essentiels. Et à un moment donné, l'humain, parce que l'humain aura découvert tout ce mensonge cosmique, il finira par atteindre le vrai maître qui est lui. Mais encore une fois, quand je dis le vrai maître qui est lui, l'humain, qu'est-ce qu'il pense? Bon, je suis moi-même mon vrai maître. Fait que j'achète un billet de loterie, puis tiens, je suis mon même maître, c'est qu'il m'a trouvé des chiffres, tiens, puis je gagne. Non, pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est que vous vous occupez du poison. C'est absolument pas ça, rien à foutre. L'important n'est pas de savoir si vous allez gagner la loterie. L'important est de savoir si vous allez être manipulé par le fait de gagner la loterie. Et vous dites, oui, ben, faites-vous dans les vidéos, puis on va voir. Oui, mais c'est parce qu'un million, ça peut gâcher un million d'années. Parce qu'en secrétaire, on peut démolir un corps. Alors que vous avez juste à attendre encore quelques centaines d'années. Pour être prêt. Mais sécréter, ça démolit un corps. Dans les deux sens? Sécréter, ça démolit un corps, surtout lorsque l'humain sécrète sans se rendre compte de ce qu'il fait. L'humain s'égoïse et nourrit le monde de la mort. Donc l'humain transforme son corps physique pour l'assujettir à encore plus de sécrétions endocriniennes. Donc l'humain devient de plus en plus sensible. Donc, de plus en plus manipulable. Si ça fait 2 ans que ça va mal, puis ça te fait sécréter pendant 1 an, 3 quarts, puis la dernière partie, ça t'a plus fait sécréter parce que t'es habitué ou en tout cas ça va mal. Tu viens d'évoluer. Là, t'as évolué. Mais là, si ça se met à aller bien, tu peux sécréter encore. Exact, c'est pourquoi que l'humain avance comme ça. Mais si quand ça se met à aller bien, tu sécrètes pas. Ça va continuer à aller bien. Ou pourquoi ça ne continuerait pas d'aller mal d'abord? Pourquoi ça irait pas très mal? Mais pourquoi ça continuerait pas d'aller mal, vu que tu sécrètes plus ni d'un bord ni de l'autre? Simplement parce que vu que ton corps astral est de moins en moins capable de diriger le corps physique, tu es de moins en moins manipulé par le monde de la mort. Le monde de la mort t'envoie toujours dans des situations sécrétatives qu'il connaît, lui, pour le nourrir. Dans le monde de la mort, on a des mémoires très basses à nourrir le mal, donc les problèmes, des mémoires très hautes à nourrir quand ça va bien. Et comme tu n'es plus capable d'exprimer le monde de la mort par l'intermédiaire de ton système endocrinien dans ton corps physique, donc par la sécrétion, tu libères énormément ton corps physique, le cerveau devient plus libéré, il se connecte au mental plus facilement, le mental prenant le dessus, lui étant logique, il va se relier au vrai maître, à toi, à l'intelligence, à l'esprit, se relier à l'intelligence étant écologique, nécessairement, il ne mènera plus ton corps dans des situations problématiques. Il ne mènera plus ton corps dans des situations désastreuses. ce qui fait qu'elle se désachète totalement de l'évolution lunaire de l'animal humain, une évolution souffrante, mais méritoire, et tu rentres l'enfant dans une évolution non souffrante, non méritoire solaire, tu deviens ton véritable maître, et pour la majorité des animaux humains, totalement jaloux de voir que tu ne souffres pas de perdre tes cheveux, que tu ne souffres pas de perdre une main, que tu ne souffres pas de mourir, ben nécessairement, tu n'es plus un humain. Ça veut dire et effectivement, là... tu n'es plus un humain. Tu es rendu un dieu, ou un maître, ou ce que tu voudras, tu n'es plus un humain. Quand on vous dit à un moment donné que vous n'êtes pas humain, vous êtes en fier. Parce que l'humain, c'est lui qui fait la guerre, c'est lui qui pollue, c'est lui qui tue. Et on va dire, oui, mais c'est quand même lui qui lutte contre la pollution. Ben, c'est bien sûr, il faut bien qu'il sorte ses poubelles à un moment donné. Mais ce n'est pas une béatitude, ce n'est pas une qualité magistrale de l'humain que de sauver un billet frais de temps en temps pendant que nous continuons à astiquer nos armes nucléaires. C'est pas ça. Ça, c'est humain, mais c'est pas... Il y a beaucoup mieux. On fait une pause, et puis on revient. Je vous rappelle que le prochain séminaire de Daniel aura lieu...